Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, je m'appelle Jean-Philippe, on s'était croisé il y a, quelques temps de cela pour le cours de pose de la voix. Oui? Voilà, ben, je tenais à vous remercier, parce que j'avais du mal à chanter et à poser ma voix. Oui? Et voilà, donc maintenant je tenais à vous remercier parce que je vais beaucoup mieux. Au début, bon, j'avais quelques problèmes comme beaucoup de vos élèves, hein. C'est par une amie que on s'était rencontrés. Et Oui? je dois dire, là maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ça a été, je me souviens, ça a été du travail. Je pense que vous ne devez pas désemplir avoir pas mal d'élèves. Bah, j'en ai toujours, oui. Ben, ça m'étonne pas. Donc, grâce à vous maintenant, je l'ai enfin posée, cette voix. Oui. Et ça me permet toujours d'aller chanter le samedi et le dimanche. Et voilà, donc je dois dire, bon, au début, ça a été plus compliqué que ça. Pourquoi vous riez? C'était de la part de quel ami? Ah ben, c'était une amie, jeune fille, qui s'appelait Martine! Et donc, parce qu'au début, vraiment, quand je parlais, je montais dans des aigus. Et là, maintenant, grâce à vous, monsieur, ça va beaucoup mieux. Donc, je tenais à vous remercier. Et mon frère aussi, qui est avec moi, grâce à vous, va mieux, dit merci. Ah, merci beaucoup! Ça va beaucoup mieux! Bah écoutez, je suis Voilà. comblé. Non, mais c'est moi, hein. C'est nous, hein? Non, c'est N'hésitez nous. pas à me rappeler quand vous voulez. Comment? N'hésitez pas à me rappeler quand vous voulez. Ouais, bah écoutez. Je réponds des miracles à l'oncle Abané, moi. Vous êtes en train de vous moquer de moi? Un miraculeux de plus. Bon, bah écoutez. D'accord, alors c'est remis. Merci et bonne chance. Vous voulez pas? Au revoir. Vous voulez pas qu'on monte un groupe? Non? Bon, bah merci beaucoup alors. Merci de votre appel. À bientôt! À bientôt. Au revoir, dis au revoir, monsieur. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, monsieur, merci. Ciao.